On vient d'apprendre le décès de Brian Wilson, donc on voulait avant le début de la saga des Fab Four lui rendre hommage. Brian Wilson, il est mort aujourd'hui donc à Inglewood en Californie. C'est un bassiste, auteur, compositeur, chanteur, producteur nord-américain qui a fondé le groupe Les Beach Boys évidemment. Il a grandi à Hawthorne en Californie. Ses principales influences musicales sont George Gershwin, The Four Freshmen, Phil Spector et Burt Bacharach. Sa carrière commence en 1961 et s'arrête là, cette année. Il a été actif quasiment jusqu'en 2025, aux côtés de ses frères en 61, Carl et Dennis, et de son cousin Mike Love et de leur ami Al Jardine, le tout étant fermement encadré par son père Murray Wilson. Après sa signature chez Capitol en 1962, il devint le premier artiste solo à avoir écrit, arrangé, produit, interprété ses propres chansons. Il produit également d'autres groupes comme The Honeys ou encore Gene and Dean. Au milieu des années 60, on lui attribue plus de 2 douzaines de hits du top 40 américain, dont les numéros 1 Surf City en 63, I Get Around en 64, Help Me Rhonda en 65 ou Good Vibration en 66. En 64, Wilson souffre d'une dépression nerveuse et renonce à faire des tournées régulièrement, ce qui l'amène à travailler de manière plus intimiste, notamment pour l'album Pet Sounds et son premier morceau solo crédité Caroline No, tous deux sortis en 66. Il dégage ainsi brièvement le groupe de l'emprise paternelle et l'engage dans une intense rivalité artistique avec les Beatles, justement. Voilà le lien. Exerçant alors une influence considérable sur le groupe britannique et plus généralement sur la musique pop de l'époque. À mesure que sa santé mentale se détériore vers la fin des années 60 et que ses contributions au groupe diminuent, tout un mythe se crée autour du génie de Wilson et de son style de vie fait de réclusion, de suralimentation et d'abus de drogue. Dans les années 80, il forme un partenariat créatif et commercial controversé avec son psychologue Eugene Landy et relance sa carrière solo avec l'album Brian Wilson en 88. Après s'être dissocié de Landy en 91, Wilson commence à suivre un traitement médical conventionnel. Depuis la fin des années 90, il enregistre et se produit régulièrement en tant qu'artiste solo. Wilson est considéré comme l'un des artistes rock à concevoir le studio comme un instrument à part. Le Zeitgeist du début des années 60 est communément associé à ses premières chansons. Et il participe largement à l'émergence de nombreux genres et mouvements musicaux comme la pop de chambre, le punk, la dream pop ou le surf rock. Wilson a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre des Beach Boys et au Songwriters Hall of Fame a reçu un Kennedy Center Honor et 2 Grammy Awards ainsi qu'un Liver Novello Award. Sa vie a été mise en scène dans des films biographiques Love and Mercy de 2014 que je vous conseille de voir. Il doit être sur Netflix. Je suis pas trop sûr que ce soit sur Netflix ou pas. Celui-là, je l'ai vu en tout cas. Il est très très bien. Et Long Promised Road en 2021. Je vous propose, avant d'attaquer la saga, 2 chansons des Beach Boys. La première, c'est Good Vibration. Et la seconde, ce sera son chef-d'œuvre, God Only Knows. Vous êtes sur RIG, c'est un hommage rapide à Brian Wilson. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. She's by my excitation. Good vibration. Ça ne vous a pas échappé que God Only Knows n'a pas voulu passer à l'antenne, donc j'ai été obligé de me rabattre sur une cover. Voilà, c'est une cover des Beach Boys en 2010 sur l'album Play It Liverpool. Ils nous faisaient cette chanson-là, You've Got to Hide Your Love Away. Il est 20h passé de 2 minutes, c'est la saga des Fab Four. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 642, nous sommes le 11 juin 2025 et c'est le quatrième et dernier best-of de Paul McCartney, best-of que j'ai choisi de faire aller de 1962 à 2024. Donc on écoutera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Beatles, plus ou moins, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, et puis tout le reste, il y a 32 chansons de programmées, on verra si on aura le temps de toutes les passer, ce sera du Paul McCartney. Donc je vous invite, comme on est un poil en retard, à nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, et on en parle. Voilà, à tout de suite. Allez, ne perdons pas de temps. Deuxième album plutôt des Beatles. L'album c'est With the Beatles en 1963. Et cette chanson, All My Loving sur RIG. And pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. C'est une chanson des Beatles, forcément, parue en single ainsi que sur l'album A Hard Day's Night, écrite principalement par Paul McCartney en 1964. Quelle belle année. Et sur la face B du 45 tours, vous voulez savoir, c'était You Can't Do That, You Can't Do That, voilà. Single de la Beatlesmania par excellence, il est enregistré au studio de Boulogne-Billancourt en janvier 64, durant le séjour des Beatles à l'Olympia de Paris. Can't Buy Me Love connaît un record de précommande au Royaume-Uni, 2,1 millions, où il grimpe directement à la première place des hit parades. Aux États-Unis, il est au début du mois d'avril à la tête de 5 chansons du groupe qui occupe les 5 premières places du Billboard Hot 100, record jamais égalé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Allez, un tout petit truc en plus, c'est en réalité une composition de McCartney aidée par George Martin, écrite à Paris, dans la chambre de l'hôtel George V, qui l'occupe à la période où les Beatles chantent chaque soir à l'Olympia, où il dispose d'un piano. Les couplets sont écrits dans la forme du blues, avec une introduction qui est une reprise comme interlude et une fin. Voilà, et on continue avec les Beatles, et surtout Paul McCartney, puisque c'est un spécial McCartney. Et cette chanson qu'il a du mal à s'empêcher de nous chanter, il avait dit à l'époque que lui et George Harrison, notamment, quand ils essayaient de draguer des filles, ils voulaient essayer de parler français, parce que parler français, ça faisait classe. Alors, vous, Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble. Ben, ça a donné cette chanson-là. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sondez-moi qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, ma Michelle. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. To lead a better life, I need my love to be here. Here. Making each day of the every

Je sais que c'est la semaine prochaine, mais avec un peu d'avance, bon anniversaire Paul McCartney. Ce côté Beatles de Paul McCartney, je vais vous proposer un petit medley. Golden Slumbers, Carry That Weight et The End. Cette quatrième partie du medley est atypique à plusieurs égards. Lennon en est quasiment absent. Harrison tient la guitare basse, ce qu'il fit très rarement avec les Beatles. Et last but not least, il trouve le moyen de rassembler trois mélodies, Golden Slumbers et Carry That Weight, comme l'indique le titre, complété d'une reprise de You Never Give Me Your Money, de la haute couture. De quel poids, weight, s'agit-il? Passons sur les interprétations douteuses, ce serait Yoko Ono pour Lennon, etc. Pour retenir celle de McDonald, peut-être rien à voir, je pense, avec le sandwich, hein, qui ne manque pas de pertinence. Inconsciemment, McCartney aurait lancé à ses camarades qu'il n'en avait pas fini de porter le poids des Beatles dans leur future carrière en solo. Ce qui est un euphémisme. McCartney, avec son sens du secret affûté, prétend qu'il se bornait à décrire le fardeau des négociations contractuelles pénibles des derniers mois. Le thème du You Never Give Me Your Money est là pour le dire. Le slumbers, c'est un sommeil paisible, est ici de surcroît doré. Le texte provient d'une comptine d'un contemporain de Shakespeare, Thomas Dekker. Selon l'anecdote qu'il relate volontiers, McCartney aurait vu sur le piano de sa demi-sœur Ruth une partition de la comptine mise en musique. Incapable de la déchiffrer, il aurait alors improvisé sa propre mélodie. Voilà ce qui paraît un peu court quand on observe que ce Golden Slumber utilise quasiment la même suite d'accords que You Never Give Me Your Money, repris ici en enchaînement. Alors le hasard faisait vraiment bien les choses, quoi qu'il en soit, le découpage est malin, ménageant des surprises. The End, la dernière pièce du medley, adopte une ultime fois la technique du collage. Elle se devait d'être flamboyante pour conclure en beauté une phase B inédite dans son ordonnancement. Le titre provisoire du morceau resta pendant plusieurs semaines « Ending », traduisible par « final » au sens musical du terme. Rappelons qu'en musique, nombre de termes sont traditionnellement tirés de l'italien, voire du latin. « Da capo »,« coda »,« allegro ». Il est d'usage d'appeler un final la dernière pièce d'une symphonie ou autre pièce musicale. Le titre choisi, The End, revêt un aspect assez différent. À la fin d'un film ou d'un livre, lorsque les francophones écrivent le mot fin, les anglo-saxons écrivent The End, leur emploi de l'article défini n'étant pas identique au nôtre. En choisissant ce titre, les Beatles savaient à quoi s'en tenir, selon toute hypothèse. Abbey Road serait leur dernier album et le dernier morceau de la seconde phase serait donc la fin, même si ce sentiment était en partie inconscient. Rude tâche donc à accomplir, rude défi à relever. Force est de constater qu'au début, il n'y avait pas grand-chose à proposer. McCartney, chargé de la mission de façon tacite, avait certes une jolie phrase en tête sur l'amour que l'on reçoit et que l'on donne, ainsi qu'un vers isolé « Are you gonna be in my dreams tonight ?» Il conçut ensuite un intermède simpliste sur deux accords classiques du rock, La septième et Ré septième, le tout dynamique et rapide, sans savoir exactement quoi en faire. L'enregistrement de la pièce allait durer longtemps, du 23 juillet au 18 août, presque un mois. La première séance fut consacrée à un solo de batterie de Ringo Starr, à l'instigation de McCartney, pensant que ce serait une façon de distinguer ce final. Le batteur y était fermement opposé, détestant ce genre de prestation, mais finit par se laisser convaincre devant l'unanimité de ses trois compagnons. De multiples enregistrements furent effectués, certains d'entre eux comportant aussi le soutien de traits de guitare. Donc ça aurait été un vrai faux solo, en quelque sorte. Et la deuxième séance fut consacrée aux voix. Le morceau n'étant juste là qu'un instrumental. McCartney enregistre la fin de la fin avec sa phrase devenue célèbre. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces chansons-là. Et je vous propose d'écouter immédiatement dans ce spécial Paul McCartney, le quatrième et dernier best-of. Once there's a way. envie de laisser un blanc à la fin de cette chanson-là parce que qu'est-ce que c'est bien. Bon, il est temps d'attraper la période solo de Paul McCartney. Voici sur son premier album, l'album McCartney sorti en avril 1970, deux chansons. Men We Was Lonely, qui, je crois, si je me rappelle de ma grammaire anglaise, n'est pas grammaticalement juste. Ça aurait dû être We Were Lonely. Mais bon, on fait ce qu'on veut hein, quand on s'appelle Paul McCartney. Et puis Teddy Boy, qu'il avait travaillé un petit peu avec les Beatles, mais du coup qu'il ressortira en solo. Voici les deux chansons à la suite l'une de l'autre. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 643. Le quatrième best-of, vous allez avoir 8 heures de best-of McCartney dans les mains d'ici un jour ou deux. Paul McCartney joue tous les instruments sur cette chanson. Ted, if his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, taking good care of you. Mama, don't worry, your daddy boy's here. Daddy's gonna see you through. Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. He couldn't stand to see his mother in love with another man. Didn't know. corner. He found a place where he could settle down, and from time to time, in his head, he said, "Mommy, don't worry, not Teddy Boy's here. She said, Teddy, don't worry, now mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your mommy is here, mommy's gonna see you through." This is the story of a boy named Ted. If his mother said, Ted, be good, he would. Vérifier, parce que là, si je prenais le temps de vous la faire entendre, on va être franchement en retard. On a pris un petit peu de retard déjà. Vous irez vérifier sur l'anthologie cette version-là de Teddy Boy faite par les Beatles. C'est mon impression à moi. J'ai l'impression que John Lennon s'en fout. Parce qu'il fait... Bref, j'ai presque l'impression qu'il s'en moque un peu. Alors peut-être pas, peut-être que je me trompe. Mais bon, voilà. Écoutez-la, peut-être que je la passerai avant la fin de la saison. Il reste plus que deux émissions avant la fin de la saison. Bon, allez, dépêchons-nous. 1971, l'album Wings Wildlife et Bebop. Bip-bop, bip-bop, bip-bop, bip-bop, bip-bop. n'aviez pas ce bebop link sur la première version de l'album Wild Life. Donc je vous l'offre pour le même prix, cette chanson-là. Bebop qui avait été influencé, enfin non, c'est plutôt qui a influencé un certain Souchon et Woolsey pour J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Écoutez les deux chansons, il y a une grosse parentalité, on va dire. Mais c'est Paul McCartney qui a commencé. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. Choisi d'écouter RIG 90.7 ou www.rigfm.fr et vous avez raison. Le mercredi soir, entre septembre et juin, c'est la saga des Fab Four et même aujourd'hui, pour la quatrième semaine consécutive, c'est la saga du Fab Four. Du Fab Four, Monsieur Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Vous le constatez, hein, toujours à l'aise, que ce soit dans des rocks, dans des balades, etc. Et Paul McCartney, durant toute sa discographie, il faut lui surveiller les 45 tours parce que ce qui n'est pas édité sur les albums, en général, vaut quand même le coup d'œil. Pas tout le temps. Il en a fait, en 2019, il a fait I've Had Enough, dans laquelle il utilise l'autotune un peu comme Jules. C'est une catastrophe. C'est une chanson que je n'ai écoutée que 2-3 fois et que je ne veux plus réentendre parce que si l'air est bien, la voix est horrible et l'autotune, c'est pas pour notre McCartney. Enfin, en tout cas, faut pas l'entendre si jamais c'est le cas. Bon. Et là, nous, on est quand même dans les années 70. Et si vous aviez surveillé vos 45 tours, vous ne pouviez pas passer à côté de la face B de Another Day en 1971 et ce titre Oh Woman Oh Why sur RIG. Thank you. touched by sadness too. desperation ever after. Régalé là dans la programmation. Je vous ai fait un petit sandwich de chansons tendres avec Bluebird il y a quelques instants sur Ben on the Run et à l'instant Warm and Beautiful at the Speed of Sound en 1976. Le tout sur du pain. En haut, avant Bluebird, il y avait Oh Woman Oh Why qui est la face B de Another Day en 71. Et le pain du dessous, celui que je vous propose, c'est la face B de Mull of Kintyre, sorti en 1977. C'est Girls' School sur RG. Three cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. aviez bien écouté la semaine dernière, lorsque nous sommes arrivés en 1982, je vous avais parlé de Paul McCartney et de Stevie Wonder. Je vous avais peut-être pas dit que Paul McCartney admire Stevie Wonder pour son côté créatif, génial, etc. Mais sur l'album, en tout cas, Tug of War, ils avaient fait deux chansons. La première, lorgnant du côté du style de McCartney. La seconde, étant plutôt dans le style de Stevie Wonder. Et dans les deux cas, la chanson était très très bonne. Même si celle qui a été promue, celle qui est rentrée dans l'hit parade, c'est la deuxième chanson, à savoir la chanson dans le style de McCartney. Je me suis peut-être embrouillé dans l'ordre, dans le style de McCartney, à savoir Ebony and Ivory. La voici, la chanson. RG, c'est une petite radio locale qui se situe à Blanquefort, près de Bordeaux. Et depuis un certain nombre d'années, je ne sais plus, 15 ans, 16 ans, 17 ans, on vous propose la saga des Fab Four sur RG, le mercredi entre 20h et 22h. Et apparemment, ça vous plaît. Et nous en sommes déjà à la 642e émission ici sur RG. Ça, c'est une certitude. Et nous en sommes également au 4e best-of de Paul McCartney. Il n'y en aura pas 5. J'ai prévu autre chose pour la semaine prochaine, même si on entendra du McCartney quand même, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, là, j'ai triché un peu. parce que j'avais envie de vous la faire entendre. Je vous en parle régulièrement sur l'album Press to Play en 1986. Je vous ai dit qu'il y a une chanson qui est beatlesque, qui est la fille, la cousine peut-être de Hey Jude, parce que la structure quelque part est un peu la même. La portée est moindre, mais c'est bien, c'est drôlement bien. La chanson s'appelle However Absurd et c'est sur RG. However absurd it may seem. Excellent album Flowers in the Dirt sorti en 1989. D'ici une quarantaine de minutes à peu près, il y aura Eric. Eric et son fabuleux Johnny de A à Z. Et le thème d'aujourd'hui est le suivant. Il y a 25 ans, le 10 juin 2000, Johnny fêtait en apothéose ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel. Revenons sur cette tournée 2000, ce mercredi 11 juin 2025, dès 22h, oula, il s'engage, sur RIG90.7 ou www.rigfm.fr dans l'émission radio Johnny de A à Z. Il compte sur vous, et moi aussi, je compte sur vous pour écouter cette fabuleuse émission qu'est Johnny de A à Z. Sitting at the center of a circle, everybody wanted something from you. I saw you sitting there, saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. You wanna be? I go back so far. I'm in front of me. It doesn't matter what they say. listening to a secret conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening in. Ce même album, l'album Flame in Pie en 1997, que Paul McCartney écrit une chanson en mémoire de Maureen Starkey, première épouse de Ringo Starr, morte en 1994 d'une leucémie, première épouse de Ringo. C'est l'un des morceaux les plus touchants de Flame in Pie. Cette ballade délicate, Paul McCartney exprime la fragilité de la vie et la douleur de la perte, tout en offrant un message de réconfort universel. À travers des arrangements subtils et une production signée Jeff Lynne, cette chanson s'impose comme l'un des témoignages les plus sincères du répertoire solo de Paul McCartney. La voici, cette chanson Little Willow sur RG. Bend, little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, no. Nobody warns you, willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Follow, time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever, always came too soon. Nothing's gonna shake your love, take your love. blow you hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you, we'll all hold on tight. Si on revenait un peu du côté du rock and roll, comme dirait Eric, voici Paul McCartney deux fois, I Got Stung, reprise d'Elvis Presley forcément, et un an plus tard sur un autre album qui est une bande originale de film, Maybe Baby, ce sera justement Maybe Baby, et c'est sur RG 90.7. Holy smokes, land sakes alive, I never thought this would happen to me. Good. Don't you think? Thank you. revenons dans la douceur, avec une chanson d'amour qu'il parle. Il me semble que là, cette chanson, il parle de Linda en 2001, sur l'album Drive and Rain. Et oui, c'est cette chanson dans laquelle il dit... Écoutez, je vais vérifier avec les paroles, on en parle juste après. Oh, one, two, three... J'avais un peu peur de faire la gaffe et si j'avais commencé à parler tout à l'heure de ce que je voulais dire au sujet de cette chanson, de cette chanson-ci, hein, pas facile à dire, j'aurais fait la gaffe parce que cette chanson About You parle d'Heather Mills, sa méchante copine du moment. Voilà, je n'en dis pas plus, elle me rappelle quelqu'un mais pour d'autres raisons. Alors que sur le même album, il y a Magic qui, elle... parle de Linda et dans laquelle il dit si qu'est-ce qui serait passé si je t'avais pas croisé ce jour-là dans cette discothèque blablabla. Donc deux chansons pour ces deux amours, bien sympa quand même, faut oser le faire sur un album quand on est quelqu'un, de parler de l'ancienne. Mais bon, Linda a marqué tout le monde, ça, voilà, ça tout le monde le sait. Elle était bien, elle, Linda. Bien, Linda à India, il n'y a qu'un pas que je franchis. Je trouve que je suis très fort en... vous voyez ce que je veux dire, hein? Sans casque en plus, comme dit Eric. Je suis très fort en intervention avec de l'à-propos dedans. Voici une jam. Et quand on fait une jam à ce point-là bonne, il faut la donner aux gens. Évidemment, c'est pas une jam qu'ils ont fait en 5 minutes. À mon avis, ils l'ont peaufiné. Mais j'adore cette chanson-là. C'est India sur RG. se dépêche, sinon on va être en retard. On saute une chanson, ça sera pour une prochaine fois. Et voici extrait de New, Everybody Out There, sur la RIG. Some of mine. Never for the grace of God go you and I. We're the brightest objects in the sky. Never for the grace of God go you and I. Do some good before you say goodbye. Can we make this dream come true?

Allez, dernière chanson de la soirée, et extrait de l'album 3, Pretty Boys sur RG. Look into my lens, give me all you got. Work it for me, baby, let me take my best shot. Meet the pretty boys, a line of bicycles for hire, objects of desire. Working for the squire, you can look, but you better not touch. Cause here come the pretty boys, they're gonna set your world on fire, objects of desire. Say much. Strike another pose. Try to feel the light. Hey, the camera loves you. Don't put up a fight. Terminé pour aujourd'hui, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et je vous signale, oui, on a bavardé avec Eric. Je lui ai dit, les auditeurs veulent un cinquième best-of, qu'est-ce que je fais? Eric m'a dit, vas-y. Alors, du coup, ok, allez. Ce sera un best-of, et très arbitrairement, parce que j'ai envie de l'entendre aussi de ce côté-là, ce sera un best-of live. Merci d'avoir écouté la saga des Fab Four numéro 642. Et à très bientôt.